Jean Bosco, Douiman. Bonjour à vous tous et merci de nous rejoindre sur Isanganiro. Nous sommes le 19 avril 2022. Voici les grands titres de cette édition. Le président de la Commission nationale des terres et autres biens réclame pour ses membres une indemnité de fin de mandat. Il a procédé ce lundi à la remise et reprise avec le ministère de la Justice. Félicien de Burundi nous dira quels ont été les défis à sa mission. Et c'est la journée internationale de la langue maternelle. Le constat des acteurs dans l'enseignement est que les élèves burundais s'intéressent aujourd'hui plus aux langues étrangères au détriment du Kirundi. Et trois personnes ont été retrouvées mortes le matin de ce mardi dans différentes localités de la zone Ruwirizi, précisément à Gatunguru. L'administrateur de la commune Mutimbuzi parle, lui, de deux corps, dont un d'un administratif à la base. Et dans la chronique santé, on parle du suicide avec Dr Sylvie Elsakou. Il est psychiatre, psychothérapeute d'orientation familiale. Voilà pour le sommaire. Isanganiro. Bonjour. La mésentente entre le personnel de la Commission nationale des terres et autres biens, CNTB, et le manque de moyens au moment où ils n'étaient plus appuyés par les organisations internationales, dont l'OHCR, sont des défis qui ont fait que cette commission ne remplit ses missions que jusqu'à peu près à 70%. Le président de la CNTB l'a dit ce lundi lors de la remise et reprise entre la CNTB et le ministère de la Justice. Félicien de Burundi réclame pour les membres de cette commission une indemnité de fin de mandat. Suivez-le au micro d'Ornella Mucho. Les défis sont multiformes. Premièrement, la commission a changé de président 6 fois. Vous comprendrez, au cas où une institution change toujours de dirigeant, il y a un impact négatif par rapport à ses activités. Deuxièmement, le problème budgétaire. Auparavant, la commission avait des partenaires qui sponsorisaient les activités de la commission. En l'occurrence, l'OPNUD, HCR et autres. Troisième défi, le défi sécuritaire. Souvenez-vous, en 2015, la commission a passé 3 ans sans travail. Et enfin, il y a eu des dissensions internes entre la direction de la commission. Les membres se sont divisés en plusieurs branches. Cela a fait que les activités ne se déroulent pas bien au niveau de la commission. Ce que je peux demander, selon la loi qui avait été étudiée le 3 juillet 2019, qui disait que ceux qui travaillaient au niveau de la commission lors de leur fin de mandat, ils doivent avoir un paquet retour. Alors, ni ce décret d'application jusqu'à aujourd'hui n'est pas observable, ni ce paquet retour n'a pas été donné. On demande à la présidence de disponibiliser ce paquet retour et de mettre à la surface cette loi qui parlait de notre paquet retour. C'était l'ex-président de la Commission nationale des terres et autres biens, Félicien Ndougou Burundi. L'association Nawariza de défense des droits des prisonniers demande aux familles de plus de 30 nourrissons vivant avec leur mère à la prison pour femmes d'Ngozi de les récupérer pour éviter qu'ils grandissent en prison. Le représentant légal de cette association l'a dit ce mardi lors d'une visite effectuée. Une visite au cours de laquelle une aide en vivre leur a été offerte en vue de souhaiter à ces détenus. La bonne fête Pascal, Jean-Marie Chimurimana demande aux autorités habilitées d'accélérer les dossiers des prisonnières éligibles à la grâce présidentielle, dont de vieilles femmes d'environ 70 ans. Apollinaire Monzagara. Cette prison pour femmes de Ngozi, visitée par l'association Nawariza, abrite actuellement 191 détenus, parmi lesquels 21 filles mineures en conflit avec la loi. Se trouvent également dans cette maison de détention des nourrissons qui sont avec leur maman, dont l'âge compris entre 0 et 3 ans. Représentant légal de l'association Nawariza demande aux familles de ces bébés leur récupération afin de ne pas grandir dans cet endroit non approprié pour eux, endroit où il y a risque, selon lui, d'adopter des comportements indignes. Jean-Marie Chimilimana lance le même appel aux associations ou ONG œuvrant dans le domaine des droits de l'enfant. Le représentant légal de cette association de défense des droits des prisonniers et de leurs familles demande au ministère de la Justice de tout faire pour que la grâce présidentielle attendue depuis environ 4 mois, d'après lui, entre en vigueur. Il le dit au moment où cette prison pour femmes de Ngozi abrite des détenus de 65 ans et plus. Jean-Marie Chimilimana conseille à ses prisonnières d'éviter de retomber dans la même erreur une fois libérée. Une aide composée de sacs de riz ainsi que des unités pour se distraire avec la télévision a été offerte à ces dernières à cette occasion. Ngozi, Apone Muzagara, Radio Sanganiro. Merci Apollinaire. Et les élèves en vacances de Pâques en commune Gattara et Kayanza de la province Kayanza ayant fréquenté les centres de lecture et d'animation culturelle, la file affirme s'être beaucoup cultivée, surtout en santé sexuelle et reproductive et en entrepreneuriat, grâce aux outils informatiques récemment remis à ces centres par la Bibliothèque Sans Frontières. Désiré Hatungimana, directeur provincial de l'éducation à Kayanza, invite les élèves proches de ces centres à continuer à les fréquenter pour améliorer leur rendement scolaire. Patrick Nsengiyumf. Ces outils informatiques que la Bibliothèque Sans Frontières a récemment doté des centres de lecture et d'animation culturelle à Gattara et à Kayanza sont surtout des ordinateurs, des téléphones Android de type tablette et leurs accessoires. Certains élèves contactés à ces centres de lecture et d'animation culturelle nous ont fait savoir que ces outils contiennent un des sujets de différents domaines de la santé sexuelle et reproductive ainsi que l'entrepreneuriat. De jeunes filles élèves affirment avoir bénéficié des enseignements qui leur serviront à se protéger contre les grossesses non désirées en milieu scolaire. De jeunes garçons de leur côté se disent satisfaits des enseignements liés à l'entrepreneuriat, ce qui leur permettra d'après eux d'entreprendre des activités génératrices de revenus, surtout l'élevage des caprins et la fabrication des pains de type chapati. Des élèves étudiants dans des classes terminales à test national affirment eux que ces outils informatiques leur permettent de se préparer aux examens nationaux, surtout que la matière contenue dans ces objets fait aussi objet des épreuves des années scolaires antérieures avec des grilles de correction à la plus raconte les élèves finalistes rencontrés au CLAC Gattara et Kayanza. Boutchoumi Crescence, animatrice au centre de lecture et d'animation culturelle à Kayanza, de même que Stanini Yongabo qui est au CLAC Gattara, tous y précisent que le taux de fréquentation de ces centres a sensiblement augmenté depuis l'acquisition de ces matériels, en l'an 200 à 500 personnes par semaine. Pourtant, elle est responsable à ces centres de lecture et d'animation culturelle et les élèves qui fréquentent ces centres tous déplorent le fait que les livres se trouvant dans ces centres ne sont pas à jour conformément aux programmes scolaires qui sont enseignés ces jours-ci. Tous ces deux côtés demandent cette mise à jour. Depuis Kayanza, Patrick Nsengiyumf pour la radio Sanganilo. Merci Patrick. Deux centres de jeunes sans équipement sont implantés dans deux communes sur cinq de la province Tchankouzo. Le président du conseil des jeunes estime que l'absence de tels centres est un handicap à la promotion de leur projet. Le gouverneur de cette province de Tchankouzo a promis à ces jeunes de tenir compte de cette préoccupation dans les plans annuels d'investissement de Tchankouzo, Raymond Mudende. Seuls les centres de jeunes de la commune Tchendajuru et Tchankouzo existent, tandis que dans les communes Kigamba, Mishiha et Gisagara de la province Tchankouzo, de tels centres n'existent pas. Philippe Sinzoba Tohana, président du conseil de la jeunesse en province Tchankouzo, affirme que même ces deux centres pour jeunes existants ne sont pas bien équipés. Selon lui, les centres de jeunes aident au développement intellectuel, ce qui permet aux jeunes déjà instruits de planifier leurs propres projets. Et là où ces centres ont été enracinés, selon toujours le représentant de la jeunesse à Tchankouzo, les jeunes lisent libres, sont instruits à manier l'ordinateur et à participer aux activités artistiques. La représentativité des jeunes à Tchankouzo a déjà demandé au gouverneur de la province Tchankouzo de mettre sur pied les centres des jeunes et d'équiper ceux qui existent déjà. En réponse à ces jeunes, Boniface Banyezako, gouverneur de la province Tchankouzo, dit que les plans d'investissement annuels vont prévoir l'implantation de tels centres dans toutes les communes de Tchankouzo. La jeunesse de la province Tchankouzo est ainsi interpellée non seulement à fréquenter les centres des jeunes une fois fonctionnels, mais aussi à adhérer dans les associations de développement. Depuis Tchankouzo, Raymond Mudende, Radio Isanganiro. Merci Raymond Mudende. Cap maintenant sur le sud du pays, Bururi, où nous retrouvons notre correspondant Zenon Zambimana. Et il nous rapporte que c'est un ouf de soulagement pour les usagers de la route Bururi-Lumongue qui payent aujourd'hui 4000 francs burundais de tickets de transport rémunérés, alors que depuis une semaine, ils payaient 10 000 francs burundais. En effet, l'administration communale de Bururi vient d'infliger une amende de 50 000 francs burundais à certains transporteurs qui avaient revu à la hausse le prix du ticket de transport. Et l'administrateur de la commune de Bururi, Félix Niyongabo, demande à la population de dénoncer ces cas de spéculation. En ligne de Bururi, Zenon Zambimana. Le matin de ce mardi, le prix du ticket de transport du chef-lieu de la province de Bururi au chef-lieu de la province Lumongue était 4000 francs burundais, un prix normal selon les usagers de cette route, alors que depuis plus d'une semaine, ils payaient une somme de 10 000 francs burundais pour le même trajet ne dépassant pas 32 km. Les usagers de cette route saluent cette baisse du ticket de transport grâce à l'initiative de l'administration communale d'Obruli qui a pris la mesure d'infliger une amende de 50 000 francs burundais depuis ce dimanche aux conducteurs des véhicules qui assurent le transport en commun dans cette route parce qu'ils s'étaient arrogé le droit de revoir en hausse le prix du ticket de transport. Ces conducteurs expliquent cette hausse du ticket de transport par le fait qu'ils s'approvisionnent quelquefois en carburant au marché noir et au prix exorbitant en cas de pénurie de ce produit, raison pour laquelle ils sont obligés de revoir la hausse et le prix du ticket de transport. Des explications non fondées, c'est l'administrateur de la commune de Bruli qui indique que ces cas de spéculation s'observent chez certains conducteurs de véhicules qui assurent le transport en commun, même en cas de disponibilité du carburant dans les stations. Félix Nyongabo fait savoir que cette mesure pourra réduire le trafic du carburant au marché noir, car selon lui, certains des conducteurs de ces véhicules qui assurent le transport en commun seraient parmi ceux qui vendent le carburant au marché noir et au prix exorbitant. Cette autorité administrative demande à la population de Bruli de dénoncer tous ces cas de spéculation autour du carburant, cause première de cette hausse du prix du ticket de transport. Depuis Bruli, Zélon Zabimara pour la radio Isanganiro. Captez Isanganiro, écoutez la différence. 13h08 à Bujumbura et sur Isanganiro. Trois personnes ont été retrouvées mortes le matin de ce mardi dans différentes localités de la commune Mutimbuzi en province de Bujumbura. Et parmi les trois corps retrouvés, un a été identifié comme Constantin Dikoumana, chef de colline Gatunguru, en zone Rubirizi. Un autre serait un pasteur de l'église Pentecôte. Les voisins de feu Constantin regrettent sa mort car, disent-ils, il était un homme sage. Ils demandent que les enquêtes soient diligentées. Ces personnes étouées, leurs corps ont été retrouvés le matin de ce mardi dans différents endroits. Le corps de Constantin Ndikoumana, qui était chef de cellule de Gatunguru, a été retrouvé à 400 mètres de son domicile. Un autre corps a été retrouvé juste à côté d'un caniveau qui sépare quartier Charama et Gatunguru. Certains individus trouvés sur place nous ont signalé que cette personne serait un des pasteurs de l'église Pentecôte de Gatunguru. La troisième personne dont le corps a été retrouvé dans le quartier Gatunguru n'a pas été identifié selon les habitants de Gatunguru trouvés sur place. Les voisins de feu Constantin Ndikoumana, chef de cellule Gatunguru, nous ont dit que ce monsieur était un homme sage qui savait bien vivre avec les autres. Pour ses habitants, ils viennent de perdre un chef qui écoutait les doléances des citoyens et les résoudre. Ces habitants de cette localité de Gatunguru demandent aux concernés de tout faire pour que ces malfaiteurs soient identifiés et punis selon la loi. Fait Constantin Ndikoumana, âgé de 40 ans, laisse une femme et trois enfants. C'était un reportage de Jean-Marie Mayonga. Siméon Boutoui, administrateur de la commune Mutimbuzi, lui parle de deux corps retrouvés le matin de ce mardi, dont celui d'un administratif à la base. Selon Boutoui, le corps n'avait pas de traces, tandis qu'un deuxième était criblé de balles. Il aurait été tué ailleurs et jeté dans cette localité de Gatunguru. Et puisqu'on parle sécurité, l'administrateur de la commune Kayogoro dans la province de Makamba demande aux parents de suivre de près leurs enfants après la découverte d'un corps d'un nouveau-né jeté dans les latrines des filles, pour filles du lycée communal de Wigina de cette même zone dans l'avant-midi de ce lundi et qui a été inhumé le même jour. Les informations recueillies auprès de cette école révèlent que le corps a été découvert par les écoliers de l'Ecofogatwe. Les habitants des environs se disent étonnés de ce comportement et demandent aux institutions habilitées de mener des enquêtes en vue d'identifier l'auteur du crime. L'administrateur communal Antoine Ndayiragije fait savoir que les enquêtes continuent car celles déjà menées n'ont pas abouti. Éducation à présent, je le disais, les élèves ne s'intéressent plus aujourd'hui à la langue maternelle, ce qui parfois constitue un facteur d'échec, comme le témoigne Jeanne Massanvia, enseignante de la langue nationale au lycée Notre-Dame de Rohero. Quant aux élèves qui se sont confiés à notre reporter, ils avouent qu'ils s'intéressent aux langues nationales susceptibles de leur être utiles dans l'avenir à l'étranger où on ne parle pas le kirundi. Les détails avec Didier Nyonzima. Au moment où, ce mardi, le 19 avril, le Burundi célèbre la Journée internationale de la langue maternelle, certains élèves disent qu'ils préfèrent s'intéresser aux langues internationales du fait qu'elles leur seront utiles dans l'avenir quand ils seront à l'étranger. Quant à l'enseignante de la langue nationale au lycée Notre-Dame de Rohero, elle précise qu'actuellement, les élèves ne s'intéressent pas à la langue maternelle, ce qui a provoqué la baisse de taux de réussite. En tant qu'enseignante, la langue kirundi n'est pas très appréciée par les élèves. Ils ne veulent pas étudier ça. Même en classe, si on est en train d'enseigner, certains élèves dérangent, d'autres suivent. Et quand on demande à ces élèves pourquoi, ils nous disent pas la vérité, ils ne disent rien. Ils disent qu'ils comprennent, ils suivent, alors que les résultats ne sont pas bons. Et quel cadre des résultats, que ce soit ici, dans votre établissement ou bien au niveau national? Au niveau national, je ne sais pas, mais quand on arrive en 9e, c'est là où on fait la compétition dans tout le pays et les résultats ne sont pas appréciés. Pour valoriser la langue maternelle, Jeanne Massa Envia demande aux parents de multiplier les échanges de la langue maternelle avec leurs enfants. Je proposerais à ce que les parents de ces élèves nous aident en tant qu'enseignants à faire aimer à leurs enfants la langue maternelle. Même à l'école indépendante, le directeur de cette école indique que les élèves ne s'intéressent pas à la langue maternelle, tout en précisant qu'ils donnent la priorité aux langues internationales, car presque tous les cours sont dispensés dans ces langues. Didier Nyonzima, et en bref, avant la chronique santé, un accord entre les enseignants et le ministère de tutelle a été signé pour lever des incompréhensions observées par rapport au système de recyclage. Propos du ministre de l'Éducation nationale et de la recherche scientifique, Habyarimana François, lors d'un point de presse ce mardi. Et pour accéder à la faculté de médecine, la note est de 73,11 pour les lauréats des écoles d'excellence et de 64 pour les lauréats des autres écoles, a-t-il précisé. International en Centrafrique, 7 ans après sa création, la Cour pénale spéciale va juger ses premiers cas à compter de ce mardi. Cette juridiction hybride, composée de magistrats locaux et internationaux, a pour mandat d'enquêter et de poursuivre les violations graves des droits humains commises dans le pays depuis 2003. Les premiers accusés sont d'anciens miliciens du groupe 3R, retour, réclamation et réhabilitation, accusés de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. Cette juridiction hybride est la seule au monde à juger des crimes commis lors d'un conflit toujours en cours, font remarquer nos confrères de Radio France Internationale. Une courte pause et c'est pour annoncer la chronique santé. Radio Isanganiro, chronique santé. Le suicide est une pathologie qui pousse une personne au bout de sa souffrance à s'adonner volontairement à la mort. Docteur Sylvia Sakoubo, psychiatre, psychothérapeute d'orientation familiale, précise que certaines conduites présagent de cette intention et c'est comme le refus de prendre ses médicaments prescrits contre les maladies chroniques ou une autre maladie sévère. Ornella Mucho. Le suicide est un acte qui consiste à se donner volontairement la mort. Docteur Sylvain Sakoubo, psychiatre, précise que différents facteurs, dont la perte de l'espoir ou l'envie de vivre suite à une maladie chronique, concourent à une pensée suicidaire. D'abord, il y a des facteurs intrinsèques. Il y a une certaine vulnérabilité intrinsèque d'une personne qui est prédisposée à se suicider. Il y a ce qu'on appelle une prédisposition génétique. Parce que là, on va trouver qu'il y a dans les antécédents familiaux du côté paternel ou maternel, il y a des gens qui se sont suicidés. À côté de ces facteurs-là, intrinsèques, biologiques, il y a des facteurs environnementaux, dans les communautés. Ces facteurs, c'est tout ce qui font que justement la société ne mène pas une vie harmonieuse. Et ça va impacter justement sur les personnalités, sur le moral des populations, de la communauté donnée. Et tous ces facteurs qui font que justement les personnes ne vivent pas épanouies vont concourir, faire en sorte que les personnes peuvent développer justement des pathologies dépressives et que les pathologies peuvent conduire justement à certainement au suicide. Ces guerres qui font que les gens perdent leurs biens et perdent surtout les personnes chères. Les adolescents et les personnes âgées sont les plus disposés au suicide par rapport à d'autres. Et certains signes indicateurs des mal-être, comme le désintéressement général de la vie, est l'un des signes indicateurs, comme expliqué par Dr Sakoubo. C'est d'abord ce qu'on appelle une humeur dépressive. C'est que la personne a une vision pessimiste par rapport à soi-même et par rapport au monde environnant. À côté de l'humeur dépressive, c'est ce qu'on appelle l'inhibition, qui est inhibé ou ralenti. Remarquez très bien quand on est au stade de l'anesthésie affective, c'est-à-dire qu'on est sidéré, on est inhibé totalement. On peut élaborer des idées suicidaires, le problème de mettre fin à sa vie, sans que la personne puisse trouver justement l'énergie pour passer à l'acte. Et ce n'est que quand il va retrouver un peu d'énergie, il peut passer à l'acte. Il peut passer justement toute la journée isolé, dans son lit, ne quitte pas le lit. Et puis si vous essayez un peu de le tirer du lit, il est là, il n'a plus d'énergie pour faire ses soins. Et pour une certaine catégorie, justement, pour les adolescents, hein, ils ont ce qu'on appelle une dépression agitée. Ils ont des comportements suicidaires. S'ils ont des permis pour conduire, ils peuvent rouler. Ce qu'on appelle rouler à tombeau ouvert. ou bien elle se défenestrait, aller prendre de l'alcool jusque... Dans notre prochaine chronique santé, Dr Silver Sakoubou parlera des moyens utilisés pour redonner le goût à la vie chez cette personne et donnera également les conseils pour éviter le suicide. Ornella Mucho, ainsi se referme ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe de la rédaction qui m'a aidé à le réaliser. Ce journal a été mis en onde par Nelly Kuihangana, stagiaire à notre station, bien sûr sous le contrôle de François Akimana. Merci à toute l'équipe. Au micro, Jean Bosco Douimana. Passez un bon après-midi.